إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va commencer aujourd'hui, inshallah, la lecture d'un livre très important dans les questions de manhaj et dans la compréhension de l'islam en général. Il y a des choses très très importantes et très bénéfiques dans ce livre. Le livre s'intitule « Al-Muhkam wal-Mutashabih fit-takfir wal-jihad », c'est-à-dire l'explicite et l'équivoque dans qu'est-ce qui a rapport avec le takfir et le jihad. L'explicite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui a été détaillé, qu'est-ce qui a été clarifié, qu'est-ce qui est clair par lui-même. Donc quand on dit al-muhkam en général, puis ça on va l'expliquer plus en détail dans les cours, parce que le cheikh il explique ça en détail, mais c'est pour faire comprendre que qu'est-ce qui est muhkam en général, c'est qu'est-ce qui ne nécessite pas d'autre chose que lui-même pour être compris. Il est compréhensible par lui-même. Et qu'est-ce qui est mutashabe? C'est qu'est-ce qui est équivoque, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut porter à plusieurs formes d'interprétation et qui a besoin de quelque chose d'autre pour être clarifié, pour être expliqué. D'accord? Et ça c'est en fait de comprendre ces choses-là. Comment distinguer entre qu'est-ce qui est muhkam et mutashabe au sujet du takfir et au sujet du jihad, puisqu'il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup d'éléments à notre époque qui jouent avec les versets qui sont mutashabih ou bien les hadiths qui sont mutashabih, qui peuvent porter à plusieurs significations, plusieurs interprétations, et ils jouent avec ces différents hadiths là, puis ils essaient de jouer avec pour essayer de donner une fausse interprétation aux hadiths et aux versets pour égarer les gens. Étant donné qu'ici à Montréal en même temps, beaucoup de gens ont ces idées-là dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui ont été influencés de façon incorrecte par les idéologies de jihadi et de takfir. Il est donc important de clarifier beaucoup de ces questions-là, justement pour éviter que des gens tombent dans l'égarement et dans les groupes de bid'a au sujet de ces points-là. Depuis, par exemple, mais ça ne fait pas depuis le 11 septembre, parce que même avant ça, il y a des idées extrémistes qui étaient propagées à ce sujet. Le groupe qu'on appelle maintenant Al-Qaïda, qui propage dans le monde la terreur et l'égarement, donc avec des idées d'extrémistes qui font le takfir et qui font du terrorisme et qui prétendent que ça c'est fait au nom du djihad. Ces idéologies-là, bien entendu, ça a été à l'origine établi, puis développé, puis propagé par des influences qui, bien entendu, viennent à l'origine des groupes comme les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun et ceux qui ont découlé de ces mouvements-là, Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et ces tendances-là. Et puis ça s'est par la suite propagé dans différents pays musulmans de la part de différents individus, hein, comme aujourd'hui Az-Zawahiri et Bin Laden et d'autres égarés également parmi les Khawarij. Donc c'est très très important maintenant de réfuter ces idéologies-là et de les clarifier pour que les gens évitent de tomber dans l'égarement sur ces questions-là. Et comme je dis, il y a des gens ici à Montréal et ailleurs en Europe et un peu partout dans le monde qui ont été séduits par ces idées-là parce qu'elles semblent être des idées qui sont disons révolutionnaires. Certains s'imaginent que c'est en accord avec l'islam et ils pensent que ceux qui refusent de propager ou de supporter ces idées-là, ils pensent que c'est parce que justement ils ont peur de la vérité ou bien ils ont peur de défendre ces éléments-là qui sont selon eux et en accord avec le Coran et la Sunna. Donc on va montrer la réalité au sujet de ces questions-là. Donc le livre est écrit par un des shuyukh, un des mashayikh parmi les shuyukh salafiyin à notre époque, qui est le shaykh, le docteur, docteur en sharia, docteur en islam, le shaykh Fadilatou Shaykh, docteur Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul. Donc c'est un des shuyukh qui fait partie. Il est membre du comité d'éducation, comité d'enseignement à l'université de Umm al-Qura, à la faculté de Da'wa et de Usul al-Din, dans l'université de Umm al-Qura, c'est l'université de la Mecque, l'université qui est à la Mecque, à Mecca. Donc il fait partie des mashaykh et bien entendu, mashallah, il a beaucoup de livres, et ça fait partie d'un de ces livres qui est vraiment bénéfique. Cheikh, donc, il a écrit ce livre divisé en plusieurs chapitres. Donc, disons, le livre est divisé en une introduction au sujet des fondements qui sont reliés à la compréhension du terme muhkam et mutashabih. Donc, ça, c'est l'introduction, pour donner une compréhension de base à ce sujet-là. Puis, il y a ensuite deux chapitres, si on veut, deux grands chapitres. Le premier, c'est au sujet de la question du takfir, et qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih au sujet de cette question-là. Et quand on parle de takfir, c'est-à-dire d'émettre un verdict selon la charia, en déclarant quelqu'un, hein, de mécréant. Donc le takfir, c'est ça. C'est un verdict de la charia. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mécréant, hein, ou qu'il est kafir, ou qu'il est apostat, c'est-à-dire on déclare cette personne-là mécréante. Donc ça, c'est un verdict de la charia. Maintenant, à ce sujet-là, il y a des textes, il y a des versets, il y a des hadiths qui sont parfois mal compris ou qui sont mal interprété de la part des différentes personnes. Et il y a des textes qui sont clairs, il y a des textes qui sont explicites, et il y a d'autres qui sont équivoques, hein, qui peuvent prêter à plusieurs compréhensions, plusieurs différentes interprétations. Et ces versets-là, c'est souvent les versets sur lesquels se basent les Khawarij et les groupes de takfir qui exagèrent au sujet du takfir à notre époque. Donc ça, c'est très important donc de clarifier les choses à ce sujet-là. Puis ensuite de ça, il y a l'autre chapitre qui suit. C'est le deuxième point. C'est la question de qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih au sujet du djihad. Au sujet du djihad. Et à ce point-là également, il y a beaucoup de versets qui sont employés ou utilisés par les groupes de takfir et de djihad qui prétendent faire le djihad fi sabilillah, alors que ce qu'ils font en réalité, c'est du désordre, ce qu'on appelle en arabe du fasad. Donc on va clarifier aussi qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre-là aussi. Puis à la fin, il y a bien entendu une conclusion. Et cette conclusion-là, elle concerne l'importance de bien comprendre les textes de la révélation à la lumière de la compréhension des salafs salih. Donc, tout ça c'est très important. Et le cheikh Bazmoul, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que dans la première partie du premier chapitre, au sujet du takfir, il a mis une petite introduction qui concerne les règles du takfir, pour être capable de bien justement comprendre qu'est-ce qui a rapport avec ce sujet-là. Hein? Donc il a mis des règles et des principes pour clarifier justement les choses qui ont rapport avec le takfir. Et également, dans la deuxième partie, au début du deuxième partie, il a fait une petite introduction sur les règles du djihad. Donc il a fait une petite introduction sur les règles du djihad pour que ce soit plus complet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? C'est que lorsqu'on arrivera à cette partie-là, cette deuxième partie, où il y a les règles du djihad, on va également se référer à un autre livre qui a été écrit par un talib ilm, parmi les talib ilm très connus du Koweït, parmi les mashaykh également, salafiyin, et c'est le cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Othman, qui a écrit un livre justement sur le sujet. Donc c'est un livre qui s'intitule الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى. C'est-à-dire, le jihad, c'est différentes catégories et ses règles, et la ligne ou la distinction entre le jihad réel, qui est en accord avec la sharia, et le chaos ou le désordre. C'est-à-dire, les gens qui appellent au djihad, mais en réalité qui ne respectent pas les règles de la sharia. Donc on dit à ce sujet-là que ce à quoi ils appellent, c'est pas en réalité le djihad, mais c'est plutôt le désordre. Et il se peut également qu'on fasse référence aussi à quelques autres livres à travers le cours, parce qu'il y a une série de livres qui ont été écrits à ce sujet-là de la part des shuyukh salafiyin. Et il y a un très bon livre qui a été écrit justement par le cheikh Abdul Malik Ramadani à ce sujet-là, Tamyiz Zawi al-Fitan Bayna Sharaf al-Jihad wa Saraf al-Fitan. Et donc ça, c'est un livre qu'il a écrit justement pour distinguer et expliquer la noblesse du djihad et la différence entre le vrai djihad et ce que font les gens de d'égarement aujourd'hui qui font la fitna. Donc ça, c'est parmi des exemples donc de livres qui sont écrits à ce sujet-là. Ils réfutent les khawarij. On va s'y référer durant les cours qu'on va faire. Il y a un autre livre qui a été écrit par le cheikh Abdelrazzaq ibn Abdel Mohsen al-Abbad, Qutuful Jihad, Qutuful Jihad min Hikami wa Ahkam al-Jihad. Et donc ça, c'est également un livre qui clarifie et qui explique les règles et les bases et les principes à ce sujet-là, et où on également réfute certaines des idées des gens de Bid'ah, parmi les Khawarij, ainsi de suite. Il y a le livre également qui s'intitule Al-Jihad fi l'Islam, Mafhumuhu wa Dawabituhu wa Anwa'uhu wa Ahdafuhu, écrit par le Cheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja al-Suhaymi, qui est un des shuyukh qui enseigne à la faculté de Sharia à l'université islamique de Médine. De même que le cheikh qu'on a mentionné, cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Mohsen al-Abbas, c'est un docteur également de l'université islamique de Médine. Et le livre de Cheikh Abdussalam ibn Salim ibn Raja al-Suhaymi, qu'on a mentionné, donc le djihad fi l'islam, il a été préfacé, donc il y a une préface, une introduction de la part du Cheikh Saleh al-Fawzan de ce livre, et également du Cheikh Abdul Muhsin ibn Nasir al-Ubaykan. Donc ça c'est également un bon livre qui clarifie le djihad, qu'est-ce que c'est, avec les règles, et qui réfute également les idées des extrémistes à ce sujet-là. Et il y a également un autre livre qui fait partie de la silsila des Rasa'il Manhajiyya de Finnushi wal Irshad wal Taw'iyya, écrit par le Cheikh Bazmoul également, Mohamed Bazmoul, Hafizahullah, qui s'intitule فقه العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية, c'est-à-dire le fiqh des relations internationales dans la charia islamique. Et dans ce chapitre, dans ce livre-là, il parle, c'est le livre numéro 4 dans le livre, c'est-à-dire il y a 6 livres dans ce livre-là, et donc ça c'est le livre numéro 4, et il parle dedans des règles du djihad, et il réfute certaines fausses compréhensions aussi à ce sujet-là. Donc tout ça c'est important de clarifier, non seulement pour réfuter les idées des Khawarij et des gens de Takfir, mais également pour répondre aux kuffars aussi, qui accusent l'islam d'être une religion de violence et de terrorisme, et qui mentionnent par exemple des versets ou des hadiths qui parlent du djihad comme si le djihad était équivalent au terrorisme. Et à qu'est-ce que font les groupes d'égarement parmi les groupes de Khawarij aujourd'hui? Donc c'est pour clarifier que le djihad n'a rien à voir avec la violence des Khawarij et des terroristes qui se produisent aujourd'hui dans le monde, et pour expliquer en fait que le djihad au contraire c'est quelque chose de noble et de respectable, et qui contient des règles et des conditions, donc qui ne peut être fait de n'importe quelle manière. Et donc on va essayer de faire comprendre ça de la façon la plus claire possible, Inch'Allah. Donc on va commencer donc tout de suite avec les principes qui sont expliqués comme introduction au sujet des règles de qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih. Et il y a un point important à comprendre avant de commencer sur ça, c'est que qu'est-ce qui a rapport avec le muhkam et le mutashabih dans l'introduction, ça ne se limite pas au djihad seulement. C'est-à-dire c'est des règles générales par rapport à tout ce qui a un lien avec l'islam et la compréhension de l'islam, dans la compréhension des textes de l'islam, du Coran et de la Sunna. Et c'est pas seulement par rapport au djihad, ça concerne les règles de l'islam au complet, l'islam en entier. C'est juste une introduction générale sur cette notion là par rapport à la compréhension des textes, et ça va aider beaucoup de gens justement à comprendre beaucoup de choses à ce sujet-là, et ça va éviter beaucoup de gens à tomber dans l'erreur à ce sujet-là, et à ne pas tomber juste à faire des conclusions trop rapides, pour éviter justement de tomber dans des erreurs d'interprétation ou de compréhension des textes. Donc, dans l'introduction, il y a plusieurs points que le cheikh explique avant de commencer. Dans les fondements de qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih, il y a 11 points. 11 points. Donc, les 11 points sont énumérés par le cheikh dans la table des matières. Mais on ne va pas les énumérer toutes. On va juste commencer à les faire un à un. Bon, donc le premier point qui est mentionné, bon, avant de commencer d'en parler le premier point, on va lire l'introduction et puis après on va les énumérer. Tayyib. Donc le cheikh il commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mabadi al-Muhkam wal-Mutashabih, c'est-à-dire les fondements, les principes et les fondements reliés à ce qui est Muhkam et Mutashabih. Vous allez voir, le cheikh Bazmoul est très systématique, très bien ordonné. Il divise ses sujets vraiment d'une manière, tu sais, ça paraît que c'est un docteur, et très académique, très structuré dans sa méthode d'enseignement, dans la façon d'écrire aussi. Donc, tout est bien structuré. Donc, il commence, il dit, اعلم علمن الله وإياك أنه ليس كل من استدل لقوله بآية أو حديث قد استدل بدليل صحيح معتبر حتى تكون الآية محكمة والحديث سنة متبعة وقد جاء في الأثر العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة فلم يقتصر على كونه آية حتى قال محكمة ولم يقتصر على كونه سنة حتى قال متبعة ومن النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه donc le cheikh il dit sache que Allah m'enseigne à moi-même ainsi qu'à toi que c'est pas toute personne qui utilise comme preuve un verset ou un hadith que ça signifie que ce qu'il a utilisé comme preuve est réellement une preuve correcte. C'est-à-dire c'est pas seulement le fait de mentionner comme dalil un verset ou un hadith qui fait que tu t'es vraiment servi de cette preuve-là de manière correcte. Et qu'on doit prendre cette preuve-là qui est mentionnée en considération. Et quelqu'un peut mentionner une parole, quelqu'un peut mentionner un verset, quelqu'un peut mentionner un hadith pour justifier ou pour supporter quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il mentionne comme verset ou comme hadith ça vient nécessairement supporter ce qu'il essaie de prouver en mentionnant ces versets-là. Jusqu'à ce que ce verset-là soit, qu'est-ce qu'on appelle, muhkam, hein, ou bien l'aya qu'elle soit muhkama, ou que le hadith soit une sunna qui est mutaba'a. Donc que le hadith soit, que le verset soit explicite et que la sunna qui est mentionnée pour supporter cette parole ou ce hadith soit une sunna qui est suivie. Et le cheikh il mentionne donc une parole ou une narration, une affaire, hein, des salafs qui disent que la science elle est de trois. Et tout ce qui est en dehors de ces trois choses-là, c'est quelque chose de surplus. La première chose qui est mentionnée, c'est un verset qui est clair et détaillé, explicite. Et la deuxième chose qui est mentionnée, c'est une sunna qui est suivie. Et la troisième chose, c'est une farida qui est juste. Donc, ça c'est la narration qui est mentionnée. Et il commente cette parole-là en disant qu'il ne s'est pas limité uniquement à dire que c'est un verset qui est mentionné comme preuve, jusqu'à ce que ce verset-là soit mentionné comme étant muhkam. Donc c'est pas juste suffisant que ce soit un verset, il faut que ce verset-là soit explicite, clair. Et c'est pas suffisant de dire que c'est une sunna, mais il faut que cette sunna soit une sunna qui est suivie. Hein? Et donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que parmi les textes du Coran et de la sunna, il y en a qui sont explicites et clairs. Et il y en a d'autres qui sont mutashabih, c'est-à-dire qui peuvent prêter à plusieurs sens, qui peuvent avoir plusieurs significations, qui sont équivoques, c'est-à-dire. Ok, donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet-là. Et le cheikh il mentionne en note de bas de page à ce point-là quelques clarifications tirées du cheikh Al-Sa'di, Abdurrahman Al-Sa'di, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Qawa'id Al-Hisan في تفسير القرآن. Il dit dans ce livre, dans la règle numéro 20, القاعدة العشرون, القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث. Donc le cheikh explique comme règle numéro 20 dans le livre, ça c'est le cheikh Sa'di qui parle, il dit que le Coran d'un certain point de vue on peut dire qu'il est en entier explicite, et d'un certain point de vue également on peut dire qu'il est en entier mutashabih, c'est-à-dire équivoque, qui se ressemblent les uns les autres, et d'un certain point de vue on peut dire qu'il y en a une part qui est explicite et une part qui est équivoque. Ça c'est d'un autre point de vue. Donc on peut dire que ça se divise en trois catégories. On peut dire que d'un certain point de vue tout est muhkam, d'un autre point de vue on peut dire que tout est mutashabih dans le Coran, et d'un autre point de vue on peut dire que certains est muhkam, une partie est muhkam, une partie est mutashabih. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a mentionné chacune de ces trois catégories-là. Donc, le cheikh, il explique la première catégorie qu'il a mentionnée, c'est-à-dire les versets qui montrent que, d'un certain point de vue, tout ce qui est dans le Coran est muhkam, clair et explicite. Et à ce sujet-là, il mentionne le verset 1 dans Sourate Hud. Le verset 1 dans Sourate Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. C'est-à-dire Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, uhkimat ayatuhu thumma fussilat, qui ont été clarifiés et détaillés, mais là d'un hakim et khabir, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Ok, et il dit la signification de cela, wa ma'na dhalik, il dit fawasafahu bi annahu muhkam, fawasafahu bi annahu muhkam fi iddat ayat wa annahu uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakim et khabir. Uhkimat, c'est de là que vient muhkam. Quand on dit les versets sont clarifiés et expliqués et détaillés et explicites, c'est ça que ça signifie. Uhkimat, c'est-à-dire qu'il est muhkam. Hein? Puis ensuite clarifié. Donc, ensuite le cheikh dit ma'na dhalika annahu fi ghayat al-ihkam wa nihayat al-intizam fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidq لا تناقض فيها ولا اختلاف وأوامره كلها خير وبركة وصلاح ونواهيه متعلقة بالشرور والإضرار والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة فهذا إحكامه. Donc le cheikh il dit que ça signifie quoi? Ça signifie que les règles du Coran elles sont à l'extrême de, à la limite de ce qu'on peut trouver comme clarification et comme perfection et comme organisation et comme, yani, jugement clair. Tout ce qui est mentionné comme information dans le Coran n'est que vérité et véracité. Il n'y a pas de contradiction ni de divergence dedans. Ces ordres sont toutes bonnes et sont toutes bénédictions et ne sont que du bien. Et ces interdictions sont liées uniquement au mal et à qu'est-ce qui est nuisible et au comportement mauvais. C'est-à-dire l'interdiction dans l'islam et dans le Coran sont reliés à ces choses-là qui sont mauvaises, qui sont nuisibles, et aux mauvais comportements et aux mauvaises actions. Donc quand on dit qu'il est muhkam en entier, c'est-à-dire quand on dit que le Coran, les versets du Coran sont muhkama en entier, c'est dans ce sens-là. Puis le deuxième point de vue, quand on dit que le Coran en entier, il est mutashabih, on va expliquer ce que ça signifie. Le cheikh il mentionne, il dit wa وصفه بأنه متشابه في قوله تعالى في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول والمطهرة للقلوب والمصلحة للأحوال فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. Donc ici le cheikh explique le verset 22 dans sourate Az-Zumar. Il dit que on peut dire que le Coran en entier il est mutashabih, comme c'est mentionné dans le verset 23 dans sourate Az-Zumar. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ce fait. Naam, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan. Allah fait descendre les plus beaux récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. C'est ça ce que ça signifie. Donc mutashabih, si tu le traduis littéralement dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire, mutashabih? Ça veut dire quelque chose qui se ressemble. Hein? Les versets qui se ressemblent. Et donc, dans ce sens-là, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, ils se ressemblent dans quoi? Ils se ressemblent dans leur beauté, dans leur véracité, et dans la vérité. Et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ces versets-là des significations qui sont bénéfiques et qui purifient la raison et qui également purifient le cœur et qui réforment les états et qui sont mutashabih dans les termes qui sont employés, c'est-à-dire dans la beauté des termes qui sont employés et dans la beauté des significations et des sens des terme employé également. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا. وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم. فيصير كله محكما ويقولون كل من عند ربنا. أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a également parlé du Coran et des versets qui sont dedans en disant dans le verset 7 dans surat Al-Imran que parmi ces versets, il y en a des versets qui sont clairs et explicites et qui sont à la base du livre, tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent avoir différentes significations. Donc on voit que ça c'est l'explication de la troisième catégorie qu'on a mentionnée ici, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de certains versets qu'ils font partie des muhkamat et d'autres qui sont parmi les mutashabihat. Et le cheikh il dit que donc les hommes de science, ceux qui connaissent le livre, qui connaissent la science du Coran et le Coran ainsi de suite, tout ce qui a rapport avec la connaissance du livre et de la sunna, eux qu'est-ce qu'ils font quand ils rencontrent quelque chose qui est équivoque, qui peut avoir plusieurs interprétations ou bien qui est mutashabih, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le ramènent vers les versets qui sont clairs et explicites, vers qu'est-ce qui est muhkam, pour le comprendre. Et donc, qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? Tout ce qui est dans le Coran devient muhkam. Hein? Donc, tout ce qui est dans le Coran devient muhkam. Même le mutashabih. Même le mutashabih, pour les hommes de science, il devient muhkam, puisqu'ils savent ramener les versets qui sont mutashabih, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, ils savent le ramener vers ce qui est clair et explicite, dans le but de le comprendre. Et ils disent quoi? Ces hommes de science, ils disent, cela vient de notre Seigneur. Tout ce qui est dedans vient de notre Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a aucune contradiction dedans. Et qu'est-ce qui peut avoir plusieurs sens, et qu'est-ce qui peut être équivoque, hein, dans un endroit du Coran, il a été expliqué dans un autre endroit, par un verset qui est clair et explicite. Et donc, à partir de ce moment-là, la science, on arrive à obtenir la science, et qu'est-ce qui nous cause un problème dans le mutashabih est éliminé. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di qui a été citée en note de bas de page ici à ce point-là et qui est tirée de son livre Al-Qawa'id al-Hisan fi tafsir al-Qur'an à la règle 20. D'accord? Puis ensuite, on revient donc au livre du Cheikh. Il cite à la suite de ça le verset, justement, le verset 7 dans Sourate Al-Imran, qui est une référence, justement, au sujet de cette question de muhkam et de mutashabih, puisque c'est le verset qui mentionne le fait qu'il y a des versets qui sont clairs et explicites, tandis qu'il y en a d'autres qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs significations. Donc, le Cheikh explique, il cite le verset, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ce verset-là signifie quoi? Il signifie, dans le verset, dans Surat Al-Imran, c'est le verset 7. C'est dans la première page. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Et il s'y trouve des versets clairs, explicites, sans équivoque, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations, qui sont des versets qui peuvent être interprétés différemment, qui sont des mutashabihat. Donc il y a des versets muhkamat, qui sont la base du livre, et d'autres qui sont mutashabihat. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir diverses interprétations. Les gens donc qui ont aucun un penchant vers l'égarement, ils vont mettre l'accent sur les versets qui sont des mutashabihat. Ils mettent l'accent sur les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, cherchant à faire la distinction, cherchant à faire des problèmes avec ces versets-là et de la fitna, et en cherchant également à trouver une interprétation, ou à essayer de les interpréter. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, excepté Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc ça c'est le verset 7 à ce sujet-là. Donc à partir de ce point-là, maintenant qu'on a vu ce verset, on peut comprendre, déjà en commençant, qu'il y a des gens qui peuvent essayer de chercher des versets qui peuvent prêter à diverses interprétations pour jouer avec leur sens et pour faire dévier les gens. Et c'est la caractéristique des gens de Bid'a, comme on va le voir dans les détails que le Cheikh va mentionner dans ce qui vient. Après le Cheikh, il dit « Wa fi sunnati nabawiyya muhkamun wa mutashabih kama fi al-Qur'an al-Azim » Ça c'est le premier point dans les 11 points que le Cheikh mentionne dans l'introduction de son livre au sujet du muhkam et du mutashabih. Donc ça c'est le point ici maintenant, le point numéro 1. Et c'est quoi ce point là? C'est que il faut savoir que quand on parle de muhkam et de mutashabih, ça ne se limite pas seulement au Coran. Il y a dans la sunna qu'est-ce qui est muhkam et qu'est-ce qui est mutashabih également. Il y a dans la sunna qu'est-ce qui est muhkam et qu'est-ce qui est mutashabih comme dans le Coran. D'accord? Donc quand on parle de muhkam et de mutashabih, ça ne se limite pas seulement au Coran, ça inclut également la sunna. Il peut y avoir dans la sunna des choses qui sont possibles, c'est-à-dire on peut les interpréter de différentes façons, hein, peuvent avoir un sens équivoque, et il y en a d'autres choses dans la sunna également qui peuvent être claires et explicites, et ça c'est comme qu'est-ce qu'on retrouve dans le Coran. D'accord? Donc le cheikh explique ensuite, il dit وَالسُنَّةُ النَّبَوِيَّ الْمُطَهَّرَةُ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est purifiée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est comme le Coran. La sunna, elle est comme le Coran. Et ça c'est un fondement parmi les fondements de Ahl sunna. C'est qu'on ne fait pas de séparation ou de distinction entre le Coran et la sunna. Les deux sont considérés comme étant la source fondamentale de référence et de législation dans l'islam. Hein? Et la sunna, elle est comme le Coran, comme étant acceptée comme étant une preuve autant que le Coran. Hein? Et on doit l'accepter. Et celui qui rejette la sunna ou qui n'accepte pas la sunna, il est kafir. Ça c'est fondamental et c'est important de le comprendre. Cheikh il mentionne des versets à ce sujet, des hadiths à ce sujet-là. Premièrement, un hadith rapporté par Al-Miqdad ibn Ma'di Yakrub. عن المقداد بن عبد يكرب ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وهذا لفظ لأبي داود. Donc le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté selon Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrub. Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrub رضي الله عنه. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, j'ai reçu le livre et quelque chose de semblable avec. Certes, j'ai reçu le livre et quelque chose de semblable avec celui-ci, c'est-à-dire la sunna. Elle dit que je ne trouve pas un homme, hein, rassasié, assis sur son divan, ou accoudé sur son divan, disant: accrochez-vous à ce Coran, ce que vous y trouvez comme halal, alors rendez-le halal, et ce que vous y trouvez comme haram, rendez-le haram. Il dit: certes, sachez que la viande des ânes domestiques a été déclarée haram pour vous et n'a pas été rendu licite. Il n'est pas permis pour vous de manger la viande de l'âne domestique. De même qu'il n'est pas permis pour vous de manger tout animal parmi les bêtes féroces qui possèdent des qui possèdent des crocs. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont haram, qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, mais qui ont été mentionnées comme étant haram dans la sunna. Donc ça, c'est des exemples que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire comprendre que ce qui est halal, c'est pas seulement ce qui est dans le Coran, et ce qui est haram, c'est pas seulement ce qui est dans le Coran. Il y a dans la sunna des choses qui ont été déclarées haram, qui sont pas mentionnées dans le Coran, et il y a des choses dans la, il y a des choses qui sont mentionnées halal, qui sont peut-être pas clarifiées par rapport au Coran en détail. Donc, il dit ensuite, voilà, لُقَطَتُ مَعْمُعَاهِدْ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا صَاحِبُهَا. De même que des objets perdus, un objet لُقَطَ, لُقَطَ c'est qu'est-ce qui a été retrouvé parmi les objets perdus que quelqu'un trouve, qu'est-ce qu'il doit faire avec, il n'a pas le droit de les utiliser, excepté si son compagnon n'en veut plus. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ, si quelqu'un est voyageur et qu'il va chez des gens pour que ces gens-là l'accueillent chez eux, ils doivent l'accueillir. Hein? Ils doivent l'accueillir, et s'ils ne le font pas, يعني فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. Donc ça, c'est la dernière partie, il mentionne d'autres règles, mais bon, faudrait retourner au charh de ce hadith pour savoir les détails des choses qui ont rapport avec la compréhension de ce hadith. En ce qui concerne la version de l'imam at-Tirmidhi, ça dit ala hal asa rajulun, ala hal asa rajulun يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا استحللناه وما وجدناه فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. Donc ça, c'est la version de l'imam at-Tirmidhi. Et qu'est-ce qu'il dit, ce hadith? Il dit, « Ala hal asa rajulun » Donc il dit, il se peut que vous allez peut-être rencontrer un homme quand le hadith lui est rapporté de ma part, il est, alors qu'il est accoudé sur son divan, il dit, entre vous et nous, il y a le livre d'Allah. Ce que vous y trouvez comme halal, nous le rendons halal. Et ce que nous y trouvons comme haram, nous le rendons haram. Wa innama harram Rasulullah, donc le prophète s'en est dit ensuite, sachez que ce que le messager d'Allah a déclaré comme étant haram, c'est la même chose que ce que Allah a rendu haram. Donc c'est pour répondre à ceux qui n'acceptent pas la sunna et qui se limitent uniquement au Coran. Ça, c'est rapporté par, comme on a dit, par Abu Daoud et par Tirmidhi. Et les deux sont des versions qui sont authentifié par le Cheikh Al-Albani. Après, le Cheikh, il explique, il cite des paroles de l'imam Ibn Qutayba. Il dit, « لما ذكر Ibn Qutayba المتشابه في القرآن العظيم وما فيه من غموض يزول برده إلى المحكم قال وعلى هذا المثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته والتابعين وأشعار الشعراء وكلام الخطباء ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقدم ويفر بالقصور عنه النقاب المبرز النقاب المبرز. Donc il mentionne ici les paroles de l'imam Ibn Qutaybah qui est mort en l'an 276 Hijri, et il explique après avoir dit que il y a qu'est-ce qui est mutashabih dans le Coran, et que yani, il y a des choses dans le Coran dont le sens peut être plus obscur et difficile, plus difficile à comprendre, et qui peut être justement dans cette difficulté ou cette obscurité ou cet équivoque peut être éliminé en le ramenant à ce qui est clair et explicite. Il dit, et on peut dire la même chose de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de la parole de ses compagnons et des tabi'in, et des paroles des poètes parmi les poètes, et les paroles des orateurs parmi les gens qui font des discours. وليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف. Et il y a dans ces exemples-là également des choses dont la signification peut échapper, et dont les savants peuvent, dont même le savant qui est très avancé peut être confus à son sujet. Donc ça c'est un résumé de ce qui est mentionné dans le livre de l'imam Ibn Qudaybah qui s'intitule Mushkil al-Qur'an. Ensuite le Cheikh dit wa zakara Ibn Hajar anna al-maqboul min al-hadith in salima min al-mu'arada huwa al-muhkam. Ibn Hajar, il mentionne, Ibn Hajar al-Asqalani, il mentionne dans son Nuzhatun Nazar, il dit que qu'est-ce qui est accepté, maqboul, dans le hadith, il est accepté s'il est exempt de toute opposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui est muhkam, qu'est-ce qui est explicite et qui n'a pas été opposé par autre chose. وقال السيوطي في ألفيته. نعم, donc les paroles de l'imam السيوطي dans son livre ألفية السيوطي, qu'il a écrit, c'est un livre qui contient 1000 vers au sujet de la science du hadith. D'accord, et ça s'appelle donc ألفية السيوطي. Il dit وغير ما عرض فهو المحكم ترجم في علم الحديث الحاكم ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلم مثل حديث إنه لا يغان كذا حديث أنزل القرآن أنزل القرآن. Donc ça c'est les paroles de l'imam. Dans ce livre, il y a une note de bas de page ici. لم يذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث نوع المحكم المتشابه وإنما عقد النوع الثلاثين من النوع الثلاثين من علوم الحديث في الإخبار في الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه, وعقد النوع التاسع والعشرون في سنن في سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها. Donc Suyuti, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'est-ce qui n'a pas été opposé dans sa signification. Alors c'est qu'est-ce qui est clair, explicite, qu'est-ce qui est muhkam. Et il mentionne que l'imam al-Hakim dans son livre Ma'rifat ulum al-Hadith, il en a mentionné une catégorie à ce sujet-là. Il a mentionné une catégorie de hadith dans ce sens-là. Qu'il y a une catégorie de hadith qui est qui est clair et explicite, qui n'a pas été opposé dans sa signification, et il y a qu'est-ce qui est mutashabih et dont on ne connaît pas la signification, et il dit wa ta'wiluhu, on ne connaît pas son interprétation, donc dans ce cas-là on ne doit pas parler dans le but d'être justement sauvé du fait de dire n'importe quoi ou de parler avec ignorance. Et il donne deux hadiths comme exemple à ce sujet-là dans Al-Fiyat ibn Malik. Il dit qala Ahmed Shakir min al-hadith al-mutashabih ka min al-hadith al-mutashabih ka mutashabih al-Qur'an wa huwa ma la sabila ila ma'rifati haqiqati al-murad minhu wa yanbaghi lil-war' an yaqifa 'an al-kalam fihi khawf al-zalal. Donc l'imam Ahmed Shakir rahimahullah, dans justement les commentaires qu'il fait de Al-Fiyat al-Suyuti, il dit à ce point-là, à la page 212 de son commentaire de Al-Fiyat al-Suyuti, il dit, il y a dans le hadith, qu'est-ce qui est mutashabih, comme qu'est-ce qui est mutashabih dans le Coran, et dont on ne peut connaître la réalité de qu'est-ce qui est voulu dans ces paroles-là. Et donc, à ce sujet-là, il est nécessaire de faire preuve de piété et de crainte, et de s'arrêter, hein, de ne pas parler au sujet de ces paroles-là, par crainte justement de faire une erreur et de tomber dans l'erreur dans ces hadiths-là. Donc, lorsqu'on ignore la parole ou la signification d'un verset ou d'un hadith, on ne doit pas s'aventurer à essayer de lui donner une signification. Et c'est ça ce que faisaient les ulama de hadith. Quand il disait un hadith et dont il ignorait la signification, eh bien, il ne s'aventurait pas à essayer de l'interpréter ou de l'expliquer. Il se limitait uniquement à le mentionner tel quel, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne qui soit capable de l'expliquer. Et ça me rappelle justement, dernièrement, quand j'étais à Médine, j'ai assisté à la fin de la lecture du dars de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin de Sunan ibn Majah, justement il lisait un hadith dans un des chapitres, et quand il a mentionné ce hadith là, un des hadiths en particulier, il a dit ce hadith là je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Il dit, ce hadith-là, je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, il s'est arrêté complètement, il n'a rien dit à son sujet. Et donc, c'est pour montrer que malgré sa science, malgré son niveau dans la science du hadith et la compréhension de l'islam, quand il ne sait pas quelque chose, il s'arrête. Il ne va pas parler sans connaissance. Il dit ensuite, wa sa'altu Abba Abdurrahman, Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani. Il dit, وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدْ نَاصِرُ الدِّينَ الْأَلْبَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ هَلْ يَصِحُ أَنْ يُقَالُ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا فَأَجَابَ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا عُرِفَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُحْكَمِ وَمِنَ الْمُتَشَابِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ. Donc le cheikh explique ici une réponse à une question, une réponse du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani à une question que le Cheikh Bazmoul lui-même a posée directement au Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. Donc là, c'est le Cheikh Bazmoul qui mentionne une réponse du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani à une question qu'il lui a posée directement. Et il dit que cette question, elle a été posée lors de sa visite en 1410. Non, c'est pas lors de sa visite. C'est lors d'une visite. Lorsqu'il est venu en Arabie Saoudite en 1410, il lui a posé la question par téléphone. Lorsqu'il était à Jeddah. Donc, le Cheikh Bazmoul lui a posé la question. Est-ce que dans la Sunna, il y a un mutashabih et un muhkam, de la même façon qu'il y a dans le Coran un mutashabih et un muhkam, hein, est-ce qu'il y a dans le hadith qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih? Et le Cheikh Mohammed Nasruddin a répondu, rahimahullah, qui est décédé il est mort en 1421, Il a dit à ce sujet-là, il n'y a rien qui empêche cela. Lorsqu'on a connu la signification du terme muhkam et de qu'est-ce qui est mutashabih. Donc il n'y a rien qui empêche de l'utiliser du moment qu'on comprend ce que signifie le terme muhkam et le terme mutashabih. D'accord? Donc ça c'est le premier point à ce sujet. On s'arrête ici, inshallah, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.